mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, Zemoe santu, mon santu kumama, mon santu e. Namabele tu gangi, gangi, gangi. Nalokito makasi, mon santu kumama, mon santu e. Mon santu e. Mon sanctuaire, mon sanctuaire, maman, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire. Mon sanctuaire, mon sanctuaire, nalo la bayembi, zembo e santu, mon sanctuaire, maman, mon sanctuaire. Namokili tu gangi, nalokito makasi, mon sanctuaire, maman, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, maman, naoye, mon sanctuaire. Mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire, mon sanctuaire. Mon sanctuaire, ya basantu ilunga na bana oh oh oh ozali mosantu obongi na kembo ofandi na kembo mosantu mosantu.